Chapitre 4. Le devoir et l'amour. « Deux bien braves gens et bien complaisants, » se disait le policier en s'en allant. « Je me demande pourquoi je les ai dérangés. Enfin, si la jeune fille peut me dire quelque chose qui me serve, nous verrons. » Le soir, il revenait. Marthe l'attendait. Il fut frappé de la fraîcheur de son visage, de ses beaux cheveux blonds, de l'ensemble de sa physionomie. Elle lui répéta ce que nous savons déjà, qu'étant journée chez Madame Barcelon, elle avait à sa sortie aperçu deux hommes, un grand et un petit, qui semblaient monter la garde aux abords de la maison. À son avis, c'étaient les voleurs qui attendaient le moment propice pour faire leur coup. Elle n'en pouvait dire davantage. Berton la remercia et s'en alla. Ce fut elle qui le reconduisit, et au moment où il franchissait la porte, elle lui tendit la main. Ce geste n'avait rien que de très naturel. Pourtant, il impressionna le jeune inspecteur. « Quelle charmante fille !» se dit-il. Il rentra à l'hôtel, se coucha, et resta plus d'une heure sans s'endormir, songeant à la jolie Marthe. Malgré cela, il était à peine 7 heures du matin quand il se réveilla. La voiture qui devait l'emmener dans la direction de Vaugrigneuse, car c'est là qu'il voulait aller tout d'abord, espérant y trouver des renseignements plus récents qu'à Angervilliers, ne partait qu'à 9 heures. Il avait donc 2 heures devant lui. « Ma foi, se dit-il, je vais aller faire un tour du côté de la gare. Je tâcherai de voir encore une fois cette charmante personne avant de partir. Il me semble que cela me portera chance. » Son désir fut exaucé à souhait, car au moment où il arrivait à l'avenue de la gare, il aperçut la fille du tailleur qui sortait de la maison. Elle le reconnut et s'avançant vers lui, toute souriante, « Déjà levée, monsieur, » dit-elle, « mais vous aussi. Au moins, c'est mon habitude. Ne faut-il pas que je parte de bonne heure pour aller chez mes pratiques ?» « Vous travaillez donc toujours ?»« Dame, c'est forcé. Mon père travaille, ma mère aussi, et aussi mon pauvre frère, qui n'y voit presque pas, et qui, malgré cela, fait autant de besogne que n'importe quel autre ouvrier qu'on paierait cher. Je ne puis rester les bras croisés. »« C'est gentil, et je suis sûr que vous devez être adoré de toutes vos clientes. »« Je n'ai pas à me plaindre. J'ai plus de journées que je n'en puis faire, et j'en suis bien heureuse. »« Vous aimez cela ?»« Certes, oui. » « D'abord, c'est amusant d'aller tous les jours chez des personnes différentes, de voir des visages nouveaux. Puis je suis nourri, le matin du moins, car le soir je mange avec ma famille. C'est un métier lucratif et agréable. C'est bien dommage que je n'habite pas Rambouillet tout à fait. Je vous demanderai de venir travailler chez moi. Voyez-vous cela ?» s'écrit la jeune fille en riant. « Eh bien, consolez-vous, cher monsieur, car si vous demeuriez ici, vous n'auriez pas ma visite. Et pourquoi donc ?» Parce que je n'irai pas en journée chez un homme seul. Qu'est-ce que ça peut faire? Vous plaisantez? Mais je serai tout de suite l'objet des cancans de la ville. Les mauvaises langues, et il n'en manque pas à Rambouillet, ça donnerait à cœur joie sur mon compte. On dirait que vous êtes mon amoureux. Et alors? Il faudrait que je le sois. Et tenez, ma parole, je le suis déjà. Voulez-vous bien vous taire? Mais c'est trop causé. Vous allez me faire remarquer. Je me sauve. Et lui tendant de nouveau la main, elle s'enfuit. « Elle est délicieuse, » se dit de nouveau l'inspecteur. « Quelle jolie petite femme j'aurais là si... »« Mais, sapristi, l'heure se passe, il faut songer au devoir. » Et il courut à la place où il trouva la voiture prête à partir. Il n'eut que le temps d'y grimper. Arrivé à Vaugrigneuse, il se fit indiquer le presbytère. Il sonna. Ce fut le curé lui-même qui vint ouvrir. C'était un bon vieux curé de campagne aux cheveux blancs à la mine affable. « Que désirez-vous, monsieur » demanda-t-il. « Je suis journaliste et je voudrais avoir quelques détails sur l'attentat dont votre gouvernante a été la victime. »« Volontiers, » dit le vieux curé. « Mais donnez-vous la peine de passer dans ma salle à manger qui me sert de salon, » ajouta-t-il en souriant. « Je suis à votre entière disposition. » On passa dans la salle à manger. Le curé indiqua un siège au visiteur, en prit un lui aussi et demanda « Que désirez-vous savoir ?»« Tout, » répondit l'inspecteur. « Faites-moi le récit complet du crime. » « Eh bien donc, » dit le curé, « je devais ce soir-là, après mon dîner, aller faire une partie de whist au château. On a beau être prêtre, on a ses petits défauts comme tout le monde. Moi, le whist est mon péché mignon. »« C'est excusable, » interrompit Berthoud en souriant. J'allais donc partir quand je me sentis pris d'un malaise. Je montai dans ma chambre et je m'étendis sur mon lit, laissant bas ma gouvernante, Madame Duhamel, continue à vaquer aux derniers soins de la maison. Je commençai à m'assoupir quand je fus réveillé par un cri d'angoisse. « Au secours, on m'assassine !» Je sautai à bas de mon lit et, ouvrant la fenêtre, je tirai un coup de pistolet pour avertir l'instituteur, monsieur le gagneur, dont la maison est toute proche. Il se leva en effet et accourut avec sa femme pendant que je descendais. Je trouvai dans la pièce d'entrée ma pauvre gouvernante, affaissée sur le sol auprès de l'une des portes, perdant le sang par une horrible blessure qu'elle avait reçue sur le crâne. À ce moment, on frappa à l'autre entrée. C'était monsieur le gagneur et sa femme. « Ouvrez !» criait-il. « C'est ouvert !» répondis-je. « Mais non !» Je m'approchai, et je vis que les assassins avaient fourré un morceau de bois dans le loquet de façon à en empêcher le jeu. Je retirai ce morceau de bois et j'ouvris. À nous trois, nous donnâmes les premiers secours à ma gouvernante. Pendant ce temps, on courait chercher le médecin. Il arriva après un certain temps et examina la blessée. Il constata sur la table extérieure du crâne une longue blessure en forme de X faite au moyen d'une hachette de maçon. La table interne n'ayant pas été atteinte, la vie de Madame Duhamel n'était pas en danger. « Puis-je la voir ?» demanda l'inspecteur. « Parfaitement. Elle est dans sa chambre, encore un peu faible, mais capable de vous répondre avec la plus grande lucidité. » Berton, guidé par le curé, se rendit à la chambre de la blessée. C'était une femme de 65 ans, de taille moyenne, bien conservée et semblant fort intelligente. « J'ai été frappée au dehors, » dit-elle, « au moment où je rentrais par la porte opposée à celle dont on avait fermé le loquet. J'ai reçu sur la tête un coup qui m'a assommée, et je suis tombée en appelant au secours. Et vous n'avez pas vu les assassins ?»« Si fait, j'en ai aperçu un. Il était de taille plutôt petite, mais gros de carrure. Je n'ai d'ailleurs pas pu beaucoup en juger, car le sang m'aveuglait et je perdais connaissance. Le reconnaîtriez-vous ? Non. » « Je ne l'ai vu que de dos, quand il s'est enfui au coup de pistolet qu'a tiré monsieur le curé. Somme toute, on n'a rien volé chez vous. Ils n'ont pas eu le temps. » Berton remercia le brave curé qui voulait absolument le retenir à dîner avec lui. « Ma gouvernante est encore invalide, » disait-il. « Mais ne craignez rien, je sais cuisiner suffisamment, et vous ne serez pas trop maltraité. » Mais l'inspecteur ne pouvait s'attarder. Il alla manger un morceau sur le pouce dans un cabaret voisin et reprit vite la route de Rambouillet. Il était médiocrement satisfait de sa journée. Il n'avait recueilli qu'un seul renseignement, et ce renseignement ne concordait pas avec ceux que lui avait fournis Marthe de Coninck sur les gens qu'elle avait vus rôder autour de la maison de M. Barcelon. C'était, lui avait-elle dit, un homme grand, large d'épaule et un tout petit, fluet. Et celui qu'avait vu la gouvernante du curé était bien de petite taille, mais, disait-elle, gros de carrure. « Si j'allais éclaircir cela avec Marthe, » se dit l'inspecteur, il songeait en lui-même, ce serait une bonne occasion pour la revoir. Il n'hésita pas, et remettant au lendemain le rapport qu'il devait faire au procureur de la République, il se rendit avenue de la gare. Il commença à se faire tard. La boutique du tailleur était fermée, mais par les interstices des volets, on apercevait de la lumière. Donc on n'était pas couché. Berton frappa discrètement au volet. On ne répondit pas. Il colla son visage à la fente par laquelle passait la lumière. Il aperçut le paralytique assis sur son établi, ayant près de lui une petite lampe et paraissait travailler. Nous disons paraissant car il tournait le dos à la porte et on ne pouvait apercevoir ni son visage ni ses mains. Une troisième fois, l'inspecteur frappa, pensant qu'on viendrait enfin lui ouvrir. Mais le tailleur ne sembla pas entendre et ne bougea pas. « C'est qu'il ne veut pas ouvrir, » se dit le policier. « Si j'insistais, cela pourrait peut-être le fâcher. Mieux vaut me retirer. » « J'aurai le temps de revenir demain. » Il regagna de fort méchante humeur l'hôtel du Lion d'Or, se fit donner un bouillon et une bouteille de Bordeaux, car il avait fort peu déjeuné et presque pas dîné, et quoi qu'on prétende que l'amour nourrit, il avait grand besoin de nourriture. Puis il se coucha, et cette fois, la fatigue aidant, s'endormit tout de suite.